Bonjour et bienvenue à cette émission centrée sur la science-fiction, le fantastique et la fantasy. Christian Martin au microphone. D'abord, quelques infos. Le 12 mai, ActuSF présentait deux entrevues. La première avec Étienne Barillier, qui parle de steampunk, et la seconde avec Roland C. Wagner, à propos du serpent d'angoisse. Voir www.actusf.com. Également le 12, Psychovision nous annonçait ses mises à jour pour sa section BD. Voir www.psychovision.net. Les résultats du concours de nouvelles 2084, le meilleur ou le pire des mondes, organisé par le NSTA Paris Tech, la Cité des sciences et de l'industrie, le magazine Sciences et Avenir, le CEA et Paris Tech Almuni, ont été dévoilés. Dans la catégorie élève de Paris Tech, le premier prix revient à Rebecca Klemberger pour Nanomètre 551, le deuxième prix à Raphaël Moutard pour Daclose 228 et le troisième prix à Romain Cutla pour Restart. Dans la catégorie grand public, nous retrouvons dans l'ordre Romuald Herbretto pour Il ne pleut plus à Jamalpour, Gulzar Joby pour Sissoko, Monsieur Poulet, et Romain Pinchon-Sainte pour Le théorème de M. Coffey. Les textes gagnants seront d'abord diffusés sur le blog de Science et Avenir, puis les 10 meilleures nouvelles paraîtront en septembre aux presses de ENSTA. Le 14 mai, la bibliothèque du Flash Info Imaginaire mettait en ligne une nouvelle insolite de Pierre-Jean Brouillot, Faites vos jeux. Septième histoire de la série, Les soirées du Blue Buzzard. Voir page perso, tradignon, orange.fr, /J-Planck. Les mondes étranges nous informaient via leur newsletter de leurs derniers articles. On traite principalement de cinéma. Voir www.mondesétranges.fr. Aujourd'hui, la deuxième partie de la première légende de la chasse-galerie de Honoré Beaugrand avec Wen Roland. Chapitre 4. Bien qu'il fût près de 2 heures du matin, nous vîmes des groupes s'arrêter dans les rues pour nous voir passer, mais nous filions si vite qu'en un clin d'œil nous avions dépassé Montréal et ses faubourgs, et alors je commençais à compter les clochers. La Longue-Pointe, la Pointe-aux-Trembles, Repentigny, Saint-Sulpice, et enfin les deux flèches argentées de la Valtrie qui dominaient le vert sommet des crampins du domaine. «Attention, vous autres!» nous cria Baptiste. «Nous allons atterrir à l'entrée du bois, dans le champ de mon parrain Jean-Jean Gabriel, et nous nous rendrons ensuite à pied pour aller surprendre nos connaissances dans quelques fricots ou quelques danses du voisinage.» Qui fut dit, fut fait, et 5 minutes plus tard, notre canot reposait dans un banc de neige à l'entrée du bois de Jean-Jean Gabriel, et nous partîmes tous les 8 à la file pour nous rendre au village. Ce n'était pas une mince besogne, car il n'y avait pas de chemin battu, et nous avions de la neige jusqu'au califourchon. Baptiste, qui était plus effronté que les autres, s'en alla frapper à la porte de la maison de son parrain, où l'on apercevait encore de la lumière. Mais il n'y trouva qu'une fille en gageure qui lui annonça que les vieilles gens étaient à un snack chez le père Robillard, mais que les pharaons et les filles de la paroisse étaient presque tous rendus chez Baptisette Auger, à la petite misère en bas de contrecœur de l'autre côté du fleuve, là où il y avait un rigodon du jour de l'an. « Allons, rigodon, chez Baptisette Auger, » nous dit Baptiste. « On est certain d'y rencontrer nos blondes. »« Allons chez Baptisette !» Et nous retournâmes au canot, tout en nous mettant mutuellement en garde sur le danger qu'il y avait de prononcer certaines paroles et de prendre un coup de trop, car il fallait reprendre la route des chantiers et y arriver avant 6 heures du matin, sans quoi nous étions flambés comme des carcajoux et le diable nous emportait au fin fond des enfers. À Cabri, à Cabra, à Cabram, fais-nous voyager par-dessus les montagnes, cria de nouveau Baptiste. Et nous voilà repartis pour la petite misère, en naviguant l'air comme des renégats que nous étions tous. En 2 tours d'aviron, nous avions traversé le fleuve et nous étions rendus chez Baptisette Auger, dont la maison était toute illuminée. On entendait vaguement au dehors le son du violon et les éclats de rire des danseurs dont on voyait les ombres se trémousser à travers les vitres couvertes de givre.